France Musique. Merci Nathalie Piollet, je vous fais plein de bisous et je vous dis bien sûr rendez-vous dimanche prochain à 10h. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Those dancing feet, 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Jour J pour la cérémonie des Tony Awards qui clôt officiellement ce soir une saison de nouveautés dans la Mecque des comédies musicales. C'est James Corden qui cette année animera cette cérémonie à partir de 2h du matin, heure française à New York. Alors ce matin, sur la 42e rue de France Musique, nous, on vous donne notre palmarès et on vous raconte en musique cette saison à Broadway qui a connu en tout 11 nouvelles comédies musicales et 5 reprises. Et pour cela, nous sommes en duplex de New York avec Elisabeth Vincentelli, critique théâtre au quotidien Le New York Post. Hello Elisabeth. Bonjour. Et que la fête commence avec celle qui peut-être va gagner ce soir un Tony de meilleure actrice. Elle est britannique, elle s'appelle Cynthia Erivo. I don't need you to love me. I don't need you to love. I've got my sister. I can feel her now. She may not be here, but she's still mine, I know. She still loves me. Got my children, I can't hold them now. They may not be here, but they still mine, I hope. They know I still love them. Got my house. Still keep the cold out. Got my chair when my body can't hold out. Got my hands doing good like they supposed to. Showing my heart to the folks that I'm close to. Got my eyes, though they don't. Cynthia Erivo, l'héroïne de La couleur pourpre, la comédie musicale actuellement à l'affiche à Broadway dans une mise en scène sobre de John Doyle, qu'on avait vu déjà à Londres l'an dernier au tout petit Chocolat Meunier Factory. Elisabeth Vincentelli, pourquoi tout le monde est fou de la performance de cette actrice britannique dans le rôle de l'héroïne abusée par son père dans le sud des États-Unis ? Mais je crois que c'est une performance très habitée, très dramatique. Elle porte tout le spectacle. Le personnage évolue d'une manière très forte pendant le spectacle. Donc, c'est vraiment le rôle typique qui est souvent récompensé en juin aux Tonys. Et vous la trouvez bien ? Oui, mais en même temps, enfin bon, c'est une performance très forte, mais en même temps, c'est un petit peu le rôle qui demande ça. C'est un rôle, ce qu'on appelle awards bait, c'est-à-dire c'est de l'appât à récompense, c'est de l'appât à statuette. Elisabeth Vincentelli, vous avez tout vu cette saison à Broadway et même off-Broadway. Comment vous la qualifieriez, cette saison de comédie musicale 2015-2016 ? Je crois que le fait que beaucoup de gens se plaignent quand les nominations sont sorties, que tel spectacle ou tel acteur a été oublié, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de compétitions, on ne pouvait pas nominer tout le monde, donc c'est un signe de bonne santé. Et bien sûr, c'était une saison dominée par Hamilton. Donc, il y avait un peu Hamilton et tout le reste, mais quand même une bonne saison. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène, Hamilton ? Pourquoi ce succès et pourquoi tout le monde parle de cette comédie musicale qui joue, je crois, à guichet fermé ? Difficile à dire. C'est un spectacle qui a eu un écho incroyable. C'est inédit. Enfin, on a du mal à se rendre compte de l'ampleur du phénomène, puisque, bon, il est impossible d'avoir des places. Les billets s'échangent à prix d'or. L'album, l'enregistrement s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Ils ont fait le spectacle à la Maison Blanche. Enfin, les Obama l'ont vu deux fois. C'est du délire total. Il y a un enthousiasme pour Hamilton qui est complètement remarquable. Et pourquoi ? Enfin, ça ressemble à quoi ? Eh bien, en fait, c'est un spectacle qui raconte l'histoire de Alexander Hamilton, qui était le secrétaire au Trésor au début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, et qui a participé à la Révolution américaine, et donc un sujet a priori un peu aride, et qui, en fait, est traité sur un mode hip-hop, rap, R&B, soul, pop, avec une distribution où je crois qu'il y a un seul acteur blanc. Tout le reste, ce sont des hispanique, afro-américain. Donc, par exemple, Lafayette est joué par un rappeur. Et c'est très drôle. Et c'est, historiquement parlant, tout à fait... Ça respecte vraiment l'histoire. Et ça a eu un succès incroyable. Ça a permis aux gens de redécouvrir ce pan d'histoire américaine et de se le réapproprier, en fait. Alors, la comédie musicale Hamilton varie les genres musicaux. L'ancien continent presque contre le nouveau continent. Voici, par exemple, Alexander Hamilton en famille. Un extrait de l'original Broadway cast, comme on dit. Alexander Hamilton avec sa femme qui apprend à compter en français et le piano à son fils. Une chanson intitulée Take a Break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, love, good. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, love, 7, 8, love, 7, 8, love, 7, 8, love, 7, 8, love. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My dearest Angelica, tomorrow creeps in this petty pace from day to day. I trust you'll understand the reference to another Scottish tragedy without my having to name the play. They think me Macbeth. Ambition is my folly, I'm a polymath, a pain in the ass, a massive pain. Madison is Banquo, Jefferson's Macduff, and Burnham Wood is Congress on its way to Dunsinane. And there you are, an ocean away. Do you have to live an ocean away? Thoughts of you subside, then I get another letter, and I cannot put the notion away. Take a break, I'm on my way. There's a little surprise before supper and it cannot wait. I'll be there in just a minute, save my plate. Alexander, okay. Your son is 9 years old today. He has something he'd like to say. He's been practicing all day. Philip, take it away. Daddy, look, my name is Philip. I am a poet. I wrote this poem just to show it. And I just turned 9. You can write rhymes, but you can't write mine. What? I practice French and play piano with my mother. Uh-huh. I have a sister, but I want a little brother. Okay. My daddy's trying to start America's bank. Take a break. Hey, our kid is pretty great. Run away with us for the summer. Let's go upstate. Eliza, I've got so much on my plate. We can all go stay with my father. There's try to get away. My dearest Alexander, you must get through to Jefferson. Sit down with him and compromise. Don't stop till you agree. Your favorite older sister, Angelica, reminds you there's someone in your corner all the way across the sea. In a letter I received from you 2 weeks ago, I noticed a comma in the middle of a phrase. It changed the meaning. Did you intend this? One stroke and you've consumed my waking days. It says, my dearest Angelica, with a comma after dearest, you've written my dearest Angelica. Anyway, all this to say, I'm coming home this summer at my sister's invitation. I'll be there with your family if you make your way upstate. I know you're very busy, I know your work's important, but I'm crossing the ocean and I just can't wait. You won't be an ocean away, you'll only be a moment away. Alexander, come downstairs, Angelica's arriving today. Angelica, Eliza, the Schuyler sisters, Alexander, hi, it's good to see your face. Angelica, tell this man John Adams spends the summer with his family. Angelica, tell my wife John Adams doesn't have a real job anyway. You're not joining us, wait. I'm afraid I cannot join you upstate. Alexander, I came all this way. She came all this way. All this way, take a break. You know I have to get my plan through Congress. Run away with us for the summer, let's go upstate. I lose my job if we don't get this plan through Congress. We can all go stay with our father. La chanson s'intitule Take a Break, Philippe Assou, Anthony Ramos, René Elise Goldsberry et l'auteur, compositeur, acteur Lin-Manuel Miranda, un extrait de Hamilton, la comédie musicale. Elisabeth Vincentelli, vous êtes en duplex à New York. Allez, lancez vos paris. Combien de statuettes ce soir pour cette comédie musicale événement? C'est difficile à dire en fait parce qu'il y a plusieurs catégories où Hamilton a plus d'un nominé. Par exemple, dans la catégorie acteur de second rôle, ils en ont 3 sur 5. Donc forcément, il peut en avoir qu'un au maximum. Mais il faut noter que, par exemple, sur les personnes qu'on vient juste d'entendre, il y en a 3 qui sont nominées. Il y a Lin-Manuel Miranda comme meilleur acteur, mais aussi pour avoir écrit le spectacle. Philippe Assou est nominé comme meilleure actrice et Renée Elise Goldsberry comme meilleur second rôle. Donc il y a quand même beaucoup de talent dans ce spectacle. Il n'y a pas que Hamilton dans la vie et à Broadway, Elisabeth Vincentelli. Quelles sont les autres comédies musicales qui vous ont plu cette saison? Alors pour moi, parmi les nouveautés, je dirais Shuffle Along et Waitress, qui étaient vraiment très différentes et vraiment très, très réussies. Alors Shuffle Along, qu'est-ce que c'est, par exemple? Alors Shuffle Along, c'est intéressant parce que c'est en fait l'histoire d'une comédie musicale, une vraie comédie musicale qui s'appelait Shuffle Along, qui datait de 1921, je crois, et qui était le premier succès sur Broadway entièrement écrit par des Afro-Américains. Donc c'était vraiment révolutionnaire à l'époque. Et donc Shuffle Along, la nouveauté, nous explique en fait la création de ce spectacle et ce qui est arrivé à l'équipe et aux acteurs qui étaient impliqués. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un spectacle très beau, avec une musique magnifique, une troupe superbe et une chorégraphie absolument sensationnelle avec beaucoup, beaucoup de claquettes. Alors, il n'y a pas encore d'enregistrement qui a été fait de cette nouvelle comédie musicale. Par contre, Harbinger Records vient de sortir un album hommage au compositeur Hubby Black, le compositeur en 1921 de Shuffle Along. Il interprète ses propres chansons au piano, accompagné pour la voix par Noble Cecil et Ruth Williams dans une chanson certainement la plus célèbre en 1921 dans Shuffle Along. Ah, rhythm, there we got it up to the rhythm and now... Ruth Williams, maybe you might have a little something to say in this rhythm. just one fellow for me in this world. Harry's his name. That's what I claim. For every fellow, there must be a girl. I lost all my mate by kindness of fate. Then you're just wild about Harry. And Harry's wild about me. The heavenly bliss has of its kisses. Fill me with ecstasy. He's sweet just like chocolate candy. And just like honey from a bee. And you're just wild about Harry. And he's just wild about me. Can I do without Harry's wild about me? Un enregistrement original dans les années 20 avec Hubby Blake au piano et la chanson la plus célèbre de Shuffle Along en 1921, I'm Just Wild About Harry. Shuffle Along donc recréé à Broadway avec, on l'a pas dit, Elizabeth Vincentelli, mais je crois que effectivement son nom est très important, le chorégraphe Savion Glover et danseur de claquettes, oui, qui en fait des tonnes, il fait des super beaux numéros comme vous l'avez dit. Alors vous nous parliez de Waitress, l'autre spectacle qui vous a plu, qu'est-ce que c'est? Alors, Waitress, c'est l'adaptation d'un petit film indé qui avait été réalisé par Adrienne Shelley. Et c'est l'histoire d'une serveuse, la Waitress donc du titre, qui a un mariage assez misérable. Et ce qui la sauve, c'est qu'en fait, elle fait des tourtes aux fruits absolument magnifiques. Donc, ça raconte un petit peu ça. Tout se passe quasiment dans le restaurant où elle travaille. C'est mis en scène par Diane Paulus, qui avait donc fait Air, entre autres. Qu'on a reçu la semaine dernière, sur la 42e rue. Oui, c'est très très bien mis en scène. Et il y a une partition de Sarah Barry, qui est une chanteuse pop, c'est son premier spectacle. Une partition que je trouve vraiment très réussie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une année où il y a beaucoup, les styles musicaux qui sont représentés sont vraiment, il y a de tout. Alors il y a Hamilton, il y a du hip-hop, du R&B, il y a Waitress, c'est plus pop, Shuffle Along, c'est plus jazzy, American Psycho, c'est plus électronique, Bright Star, c'est country, bluegrass. Il y a une diversité dans les styles cette année qui est assez inégalée, je pense. Country, musique country, c'est dans cette comédie musicale qui s'intitule Bright Star. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit par l'acteur et comique Steve Martin, ouais, qui est un virtuose du banjo. Ah. Alors, il y a peu de gens qui le savent, oui, c'est un très bon joueur de banjo. Et il a fait plusieurs albums de bluegrass, donc il a écrit ça avec sa femme, qui est la chanteuse pop Eddie Brickell. Et oui, c'est un portrait de femme, c'est une histoire complètement abracadabrante avec des enfants perdus qui sont retrouvés, des histoires de... Enfin, c'est complètement vraiment dingue. Et je crois que le livret est en fait un peu une excuse pour la partition bluegrass et le personnage central qui est joué par Carmen Cusack, qui joue le même personnage, en fait, je crois qu'elle a... genre 20 ans et 35 ou 40, donc elle suit le même personnage sur plusieurs années, en allant de l'un à l'autre tout le temps, ce qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, il y a une chanson où elle apparaît plutôt vieille fille, on va dire, et puis au cours de la chanson, elle change de chevelure, enfin elle dénoue ses cheveux, elle change de robe, et elle se retrouve effectivement dans sa jeunesse à la ferme. Une chanson qui s'intitule « Way Back in the Day ». Way back in the day, I would have gone with you way back in the day. You could not have kept me away. I was the life of the party. I was happy and carefree, dancing on the floor with everybody. He was next to me. We'd sing and we'd sway to every song together, way back in the day. I could not wait to get away. Moonlight, music from across the river, calling, playing through the night. I would run barefoot through the sounds of summer to be with everyone. Carmen Cusack, Way Back in the Days, un extrait de la comédie musicale Bright Star, nommé ce soir au Tony Award parmi les meilleures créations de la saison. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. En duplex de New York avec Elisabeth Vincentelli, critique théâtre au New York Post. Elisabeth, il y a quelque chose de surprenant aussi, nommé ce soir au Tony Award, une toute nouvelle comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, complètement rock. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, School of Rock, c'est une autre adaptation de film, une comédie de Richard Linklater avec Jack Black, qui joue le rôle d'un loser qui se retrouve à enseigner la musique à des enfants, des gamins dans une école privée. Et donc, il les décoince en leur apprenant à jouer du rock. Et alors, ce qui est vraiment, vraiment formidable dans le spectacle, c'est que donc les enfants jouent vraiment leurs propres instruments sur scène et ils ont tous 10-12 ans. Enfin, c'est incroyable. Il y a des virtuoses de la guitare, de la basse, qui mesurent 1m30. Enfin, c'est vraiment très, très drôle. Le spectacle, c'est un retour en forme pour Andrew Lloyd Webber, dont les précédents spectacles n'avaient pas vraiment marché. Et là, bon, c'est vraiment un retour en forme. Et avec une performance de Alex Brightman, qui reprend le rôle donc de Jack Black, qui a un abattage d'enfer. Ça va pas chercher très loin, mais c'est très, très bien fait. Alors ce matin, pour épargner les oreilles des auditeurs, il est pas très tard quand même. On va pas passer un gros morceau de rock comme les chantent Alex Brightman et ses enfants de cette classe, mais plutôt un air un peu plus simple et plus doux de la professeure dans cette école privée très chic. Mr. Schneebly, perhaps you're not familiar with this kind of institution. Let me explain something to you. Here at Horace Green, our name has come to mean pure excellence in every sense, which we commandeer for quite a lofty yearly fee. When they write those checks, each parent here expects their child to earn a high return. And because they do, the pressure's on for you and me. Here at Horace Green, we rule the rankings, lead in funding, test right off the chart. Greatness is routine, the board demands it, or we will both be ripped apart. Oh, no worries with me. If a kid gets out of line, I smack him real hard. There is no corporal punishment. But you do spank him though, right? No. At our hallowed school, the children, as a rule, learn discipline. we drill it in with, as you might guess, the fear of doing less than well. While they're in our care, we tenderly prepare them to compete with the elite, till they are dispersed to Harvard or, at worst, Cornell. Here at Horace Green, we take top honors, crush our rivals, wear the prep school crown. There's no in-between, we get results here, or the alums will hunt us down. Here at Horace Green, we stick to custom, keep on schedule, do what must be done. Don't, and it will mean I go ballistic. Right, then that's all. Good luck, have fun. Sierra Bogues, here at Horace Green, extrait de la comédie musicale, la toute nouvelle comédie musicale d'Andrew Weber, actuellement à l'affiche au Winter Garden de New York, School of Rock. Elisabeth Vincentelli est toujours en duplex de New York. Elisabeth, il y a eu aussi cette année un lot important de flops. Je crois que le plus marquant et le moins mérité quand même, c'est l'adaptation en comédie musicale du best-seller de Bret Easton Ellis, American Psycho. Et en même temps, on se dit, mais ils sont complètement fous d'avoir voulu adapter ce roman macabre en comédie musicale. Ça ressemblait à quoi ? Eh bien, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé, on ne peut pas représenter la violence graphique du roman sur scène. Donc, en fait, ils ont vraiment poussé ça dans la direction de la comédie et de la satire. Et à mon sens, ça marchait plutôt bien. La musique de Duncan Shea, qui avait aussi fait Spring Awakening, était vraiment bien. Je crois que c'était la première fois qu'il y a eu une partition entièrement électronique sur Broadway. Donc, déjà, pour ça, vraiment intéressant. Une performance centrale de Benjamin Walker, vraiment excellente aussi dans le rôle donc de Patrick Bateman. Et qui n'a pas été nominé. Alors là, franchement, pour moi, c'était une grosse surprise. Il l'aurait vraiment mérité. Je crois que les gens des Tony ne l'aiment pas parce qu'il n'avait déjà pas nominé pour Bloody Bloody Andrew Jackson, dans lequel il était superbe. Donc il y a une espèce de problème avec Benjamin Walker et les Tonys. Moi, ça m'a vraiment surprise qu'il ne soit pas nominé pour son rôle. Et en même temps, c'est vrai que le spectacle était très bien mis en scène, très incisif, d'une beauté plastique souvent vraiment, vraiment surprenante. Et donc, ça n'a pas du tout marché. Et ça, c'est vraiment dommage. Et vous parlez du spectacle au passé parce qu'il a fermé dimanche dernier, tout simplement. Et oui, malheureusement. Alors, on écoute le tout début. Patrick Bateman, dans son appartement froid et blanc, comme un cabinet de dentiste, qui se vante de son nouveau Walkman Sony, on est dans les années 80, et de son téléviseur à grand écran. Musique Duncan Sheck. Whenever I shower, sometimes twice, sometimes three times a day, I use a honey almond wash on my ripped body and an exfoliating spearmint gel on my face. I apply Clinique moisturizer and an anti-aging eye balm before I shave with a razor and cream by Pour Homme. No cologne on the face, ever, because the high alcohol content dries out your skin and makes you look older. My suit today is an 80s drape from Allen Flusser with a bladed back to accommodate my impressive physique. My tie is Valentino Couture. My shoes are a Testoni underwear by Ralph Lauren. Polished hardwood floors run throughout my apartment. The painting, David Onica. My television, 30 inches digital Toshiba, high contrast, highly defined. Plus, it has picture-in-picture capabilities. Plus, it has freeze frame. My Walkman, with auto reverse continuous play, is by Sony. I'm 26 years old, living in New York City at the end of the century. This is what being Patrick Bateman means to me. The streets are humming, I can feel what's coming. I say, uh-oh, uh-oh, uh-oh. You see me gliding, but there's something hiding in the shadow, shadow, shadow. I may be dealing with a nameless feeling. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. But everyone keeps saying that I look amazing, so I don't know, don't know, don't know. I want it all. Come on, sell it out. expensive, but we're apprehensive, 'cause we don't know, don't know, don't know. Benjamin Walker, Saying Out, le tout début de American Psycho, la comédie musicale, d'après le livre de Bret Easton Ellis, une des nouveautés de la saison et un des flops de la saison à Broadway, puisque le spectacle a fermé dimanche dernier. On va parler un peu des reprises, Elisabeth Vincent Ellis. Celles-là aussi, vous les avez toutes vues, 5 cette saison, dont 2 spectacles signés Sheldon Harnick, qui recevra ce soir un Tony Award pour l'ensemble de sa carrière et que nous avons reçu sur la 42e rue il y a 15 jours. Il y a Un violon sur le toit qui est repris. Il y a She Loves Me, qu'on connaît en France grâce à l'adaptation de Laurent Lafitte avec Cadmerade. C'était il y a quelques années. Laquelle vous préférez? Personnellement, je préfère She Loves Me. C'est un spectacle que je préfère de toute manière. Mais bon, je pense qu'on peut dire que ce sont 2 chefs-d'œuvre absolument des années 60, très différents. Donc c'est fascinant que ça soit les mêmes personnes qui aient créé les deux, parce qu'ils sont complètement différents. La reprise de She Loves Me est absolument merveilleuse, on dirait. On se retrouve dans une petite boîte à bonbons roses. La troupe est menée par Laura Benanti est superbe. Ça, c'était vraiment un régal. Pareil, un petit peu sépia, on se retrouve dans un passé un petit peu idéalisé. C'est magnifique et surtout vraiment chanté d'une manière merveilleuse. La preuve avec Zachary Levy. Il interprète le héros employé d'une parfumerie qui ne sait pas encore que la jeune femme avec qui il entretient une correspondance anonyme est la collègue avec qui il travaille et qu'il déteste. Three Letters, Zachary Levy, Laura Benanti. Dear friend, when a day brings petty aggravations and my poor frayed nerves are all askew, I forget these unimportant matters, pouring out my hopes and dreams to you. As I rest my pen and look around me, I can see the summer disappear. Oh dear friend, all at once, autumn's here. Good morning, Miss Ritter. Oh, good morning, Arpad. Look! Autumn. Ooh. Ah, good morning, Alona. Here you are on this first October day, the quintessence of autumn. I do hope you've forgiven me about our little misunderstanding last night. I just can't bear it when we quarrel. Can you, darling, truthfully? Go to hell. Dear friend, with November just around the corner, I've a feeling you may also share. Do you feel an undertone of discord and a sense of tension in the air? Mr. Novak, must this sidewalk always be covered with leaves? No, sir, but Mr. Marichak... Mr. Marichak! If it weren't for your endearing letters, I'd be flying south with all the geese. By the way, have you read War and Peace? Good morning, Mr. Novak. Ah, congratulations, Miss Polish. I see you're on time today. So sorry to disappoint you. Oh, but I'm not disappointed. Far from it. Let's just call it surprised. They always argue. Why is that? Well, it's a simple chemical reaction. You see, when two people like each other very much... They like each other? Well, I think so. They like each other very much? Well, don't you think we should tell them? Arpad, my boy, they'd never believe us. Oh, look! Winter! Dear friend, have you set your calendar for Tuesday? When we bring this chapter to a close, when I meet my lady of the letters, who puts tiny faces in her O's. In the freezing weather of December, I'll be warmly waiting for our date. Until then, count the hours. Oh, I'm late for work. I'm late. Zachary Levy, Laura Benanti, Three Letters, extrait de She Loves Me, la nouvelle production à l'affiche à Broadway. Un CD qui sortira très prochainement chez Ghostlight Records. Un petit mot aussi, Elisabeth Vincentelli, sur la reprise de Un violon sur le toit. Cette comédie musicale, on la connaît très bien en France. Elle a été créée, je crois, il y a 51 ans à Broadway. Cette fois-ci, on a fait appel à un metteur en scène chic et élégant qui s'appelle Bartek Scher. Vous pouvez nous dire à quoi ça ressemblait, cette production ? C'est très sobre, peut-être même un petit peu trop parfois, de très bon goût et très... Très fin. Bartlett Scher, c'est un peu sa spécialité. Il a fait aussi les reprises de King and I et South Pacific, qui ont eu beaucoup de succès. Bon, c'est pas forcément très innovant, mais c'est toujours très, très bien fait. Ça a un côté confection de très haute qualité. Ici, mené par... Non, mais c'est vraiment... Non, parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça à faire de la confection de bonne qualité, parce que quand on voit les nullités, parfois, c'est hallucinant. Les trucs qu'on voit, c'est d'un niveau... Je veux dire, on voit des trucs meilleurs dans certains programmes universitaires aux États-Unis. Hein. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment... confection peut-être pas, c'est disons peut-être de l'artisanat de très haute qualité. Puis bon, Un violon sur trois, c'est le truc inusable. Mais il y a une raison pour ça. C'est fait d'une manière... Enfin, la partition est magnifique. C'est très émouvant et c'est un spectacle qui demande une implication émotionnelle de la part du spectateur et qui l'obtient. Donc, c'est pas si évident que ça, quand même. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Matchmaker, matchmaker, look through your book and make me a perfect match. Matchmaker, matchmaker, I'll bring the veil, you bring the groom, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be I see. For Papa, make him a scholar. For Mama, make him rich as a king. For me, well, I wouldn't holler if he were as handsome as anything. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Night after night in the dark, I'm alone, so find of my own. Since when are you interested in a match, Hava? I thought you just had your eye on your books. And you, you have your eye on the rabbi's son. Well, why not? We only have one rabbi, and he only has one son. Why shouldn't I want the best? Because you're a girl from a poor family. So whatever Yenta brings, you'll take. Right? Of course, right. Ha! Oh, have I made a match for you? He's handsome, he's young. All right, he's 62, but he's a nice man. A good catch, true? True. I promise you'll be happy. And even if you're not, there's more to life than that. Don't ask me what... Hava, I found him! Won't you be a lucky bride? He's handsome, he's tall, that is from side to side. But he's a nice man, a good catch, right? Right. You heard he has a temper, he'll beat you every night. But only when he's sober, so you're all right. Did you think you'd get a prince? Well, I do the best I can with no dowry, no money, no family background. Be glad you've got a man. Matchmaker, matchmaker, you know that I'm still very young. Please take your time. Up to this minute, I misunderstood that I could get stuck for good. dear Yentl, see that he's gentle. Remember, you were also a bride. It's not that I'm sentimental. It's just that I'm terrified. Matchmaker, matchmaker, plan me no plans. I'm in no rush. Maybe I've learned playing with matches a girl can get burnt. So bring me no ring, throw me no broom, find me no find, catch me no catch, unless he's a Matchmaker, un extrait de Un violon sur le toit, comme si vous étiez à Broadway. C'est actuellement à l'affiche au Broadway Theater. Elisabeth Vincent Ellis, c'est l'heure des paris. Vous êtes critique du New York Post, le quotidien Le New York Post. Vous avez vu combien de spectacles cette saison encore? Entre Broadway, off-Broadway, off-off-Broadway, je dirais dans les... chaque année, c'est entre 180 et 200 à peu près. Donc vous êtes bien placé pour faire des paris. Qui va gagner ce soir au Tony Awards et combien de statuettes? À part Hamilton. Bon, alors, il est évident qu'Hamilton va rafler tous les gros prix, meilleure comédie musicale, probablement meilleure mise en scène. Et puis après, bon, difficile à dire. Par exemple, je pense que pour Cynthia Erivo, donc de La couleur pourpre, une très bonne chance de gagner. Cette année, c'est difficile parce que, bon, pour les grosses récompenses, ça va être Hamilton. Pour le reste, il y a une compétition assez serrée. Alors, puisque vous avez vu des spectacles aussi off-Broadway, il y a des choses qui vous ont plu particulièrement cette année, dont on n'a pas encore parlé? Oui, alors j'ai vraiment beaucoup aimé un spectacle qui s'appelle Dear Evan Hansen, qui était off-Broadway et qui va d'ailleurs, qui a eu tellement de succès que ça va passer sur Broadway. Ça revient en décembre 2016, ça vient juste d'être annoncé. C'est vraiment un très beau spectacle et très drôle. Très drôle, très émouvant, et qui raconte l'histoire d'un lycéen qui se retrouve impliqué dans une histoire, disons, dans un malentendu dont il va profiter. Un malentendu qu'il n'a pas créé, mais dont il va profiter pour améliorer sa situation sociale au lycée. Très belle partition, très très bien jouée. Enfin, là, je pense qu'on a un futur nominé au Tony avec Ben Platt, qui joue le rôle du lycéen. Donc, je crois que ça pourrait très très bien marcher. Et la mise en scène est signée par quelqu'un qu'on connaît, qui avait déjà fait la mise en scène de Rent en son temps. Il s'appelle Michael Greif, c'est ça? Oui, et c'est vrai que je crois que c'est le rare spectacle qui arrive vraiment bien à cerner ce qui touche les teenagers, en fait. Ça capture vraiment une atmosphère lycéenne. Les Américains sont souvent très, très bons à ce genre de choses, mais on voit plutôt ça dans les films. Ça n'a pas vraiment été fait sur scène. Ça dit des choses très, très justes sur les phénomènes... sociaux, Facebook et autres, de manière très intelligente, très posée, très juste. C'est vraiment un très bon spectacle. Alors c'est Ben Platt, vous l'avez dit, qui interprète le personnage principal. Il a une chanson absolument incroyable qui s'intitule « Waving Through the Window », qui est vraiment une autobiographie. Il chante dans des hauteurs inattendues. Il était... nommé, voire gagnant, je crois, aux Obie Awards. Ça, c'est des prix du théâtre musical indépendant il y a quelques jours. Je vous propose d'écouter sa prestation. I've learned to slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake, before I lead with the worst of me. Give them no reason to stare. No slipping up if you slip away. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned, because you've learned. On the outside, looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass. I'm waving through a window. I try to speak, but nobody can hear. So I wait around for an answer to appear while I'm watching people pass. I'm waving through a window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? We start with stars in our eyes. We start believing that we belong. But every sun doesn't rise, and no one tells you where you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned, because you've learned. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, waving through a window. I try to speak, but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. While I watch, watch, watching people pass, through a window. Can anybody see? Is anybody waving? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? Did I even make a sound? Did I even make a sound? It's like I never made a sound. Will I ever make a sound? On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, so I wait around for an answer to appear. While I'm watch, watch, watching people pass, waiting through a window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? Ben Platt, un extrait d'une comédie musicale off-Broadway qui s'intitule Dear Evan Hansen, c'est son nom de famille, qui sera l'an prochain à l'affiche à Broadway à partir de décembre, vous l'avez dit, Elisabeth Vincentelli, avec des paroles et des musiques de deux auteurs-compositeurs qu'on a reçus ici sur la 42e rue de France Musique, Ben Spasek et Justin Paul, qui, soit dit en passant, sont en train d'écrire quand même le prochain spectacle de Hugh Jackman sur le producteur de cirque Barnum. Donc ce ne sont pas n'importe qui. J'avais un petit cadeau pour vous pour terminer l'émission, Elisabeth Vincentelli. Je dis jamais non à un cadeau, ça c'est... Alors écoutez, elle s'appelle Renée Elise Goldsberry. Vous connaissez ? Ah, c'est une de mes favorites. Alors, franchement, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas plus connue. Je suis sa carrière depuis pas mal de temps, elle a une petite quarantaine d'années. Elle joue le rôle de la belle-sœur d'Hamilton dans Hamilton, donc elle a une voix superbe. Elle partage son temps entre le théâtre et la télévision, comme beaucoup d'acteurs ici. C'est une actrice rare qui a tout. Le charme, la beauté, le talent. Et je ne comprends pas que son nom ne soit pas en... Je crois qu'elle attend vraiment son spectacle qui va la rendre star pour un plus grand nombre de personnes. Elle a un très beau rôle dans Hamilton, on peut un petit peu décrire. Quoi. C'est la sœur qui aime en secret le mari de sa sœur. Oui, elle joue le rôle. En fait, il y a trois sœurs, les sœurs Schuyler, et Hamilton en épouse une, Eliza, et il y en a deux autres, dont Angelica, qui est jouée par Renée Elise Goldsberry. Ils ont une relation très intellectuelle, très... qui n'est jamais consommée, mais qui est très cérébrale et en même temps très vivante et très prenante. Donc il y a une espèce d'attraction qui n'est jamais vraiment déclarée et qu'on voit pendant tout le spectacle, en fait, qui rend le côté intime du spectacle que, très prenant. C'est-à-dire que ça balance vraiment parfaitement toutes les scènes qui ont plus à voir avec la politique de l'époque, avec donc ces scènes domestiques intimes, très réussies en général, donc avec Renée Elise Goldsberry qui joue le rôle de Angelica Schuyler. Alors on l'écoute, c'est donc ce cadeau pour vous, Renée Elise Goldsberry, un extrait d'Hamilton. All right, that's what I'm talking about. Now, everyone, give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler. A toast to the groom. To the groom, to the groom, to the groom. To the bride, to the bride, to the bride. From your sister, Angelica, Angelica, Angelica. Who is always by your side, by your side, by your side. To your union, to the union, to the revolution. And the hope that you provide. I'm sure I don't know what you mean. You forget yourself. You're like me. I'm never satisfied. Is that right? I've never been satisfied. My name is Angelica Schuyler. Alexander Hamilton. Where's your family from? Unimportant, there's a million things I haven't done. Just you wait, just you wait. So this is what it feels like to match wits with someone at your level. What the hell is the catch? It's the feeling of freedom, of seeing the light. It's Ben Franklin with the key and a kite. You see it right? The conversation lasted 2 minutes, maybe 3 minutes. Everything we said in total agreement. It's the 3 minutes, a bit of a dance, a bit of a posture, it's a bit of a stance. He's a bit of a flirt, but I'ma give it a chance. I asked about his family, did you see his answer? His hands started fidgeting, he looked askance. He's penniless, he's flying by the seat of his pants. Handsome boy, does he know it? Peach fuzz, then he can't even grow it. I wanna take him far away from this place. Then I turn and see my sister's face, and she is helpless. And I know she is helpless. And her eyes are just helpless. And I realize three fundamental truths at the exact same time. Where are you taking me? I'm about to change your life. Then by all means, lead the way. Number one, I'm a girl in a world in which my only job is to marry rich. My father has no. So I'm the one who has to social climb the one. So I'm the oldest and the wittiest and the gossip in New York City is insidious. And Alexander is penniless. That doesn't mean I want a many less. Elizabeth Schuyler, it's a pleasure to meet you. Schuyler. My sister. Number two. He's after me because I'm a Schuyler sister. That elevates a status side. Have to be naive to set that aside. Maybe that is why I introduce him to a thank you for all your service. If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it. I'll leave you to it. Number three. I know my sister like I know my own mind. You will never find anyone as trusting or as kind. If I tell her that I love him, she'd be silently resigned. He'd be mine. She would say I'm fine. She'd be lying. But when I fantasize at night, it's Alexander's eyes as I romanticize what might have been if I hadn't sized him up so quickly. At least my dear Eliza's his wife. At least I keep his eyes in my life. Satisfied. Satisfied, un extrait de Hamilton, la comédie musicale qui, on peut le dire, va certainement remporter un triomphe ce soir à New York pour cette cérémonie annuelle des Tony Awards. Ce sont l'équivalent des Molières à Broadway. Merci beaucoup, Elisabeth Vincentelli. Bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir, comme chaque année, ici sur la 42e rue. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Je dois dire que je reçois des mails d'auditeurs ou via la page Facebook et notre compte Twitter qui me demandent comment regarder les Tony Awards ce soir. Je dois dire que je ne sais pas. Ça ne sera pas retransmis en France, mais on vous fera vivre très bientôt sur la 42e rue les meilleurs moments de la cérémonie avec les performances toujours impressionnantes des troupes au complet venues avec décors et costumes chaque année. En tout cas, plus d'infos, le podcast, la programmation musicale, c'est sur la page de 42e rue sur francemusique.fr avec des bonus sur la page Facebook et puis sur Twitter. Dans l'actualité des comédies musicales, ça se passe cette semaine en Belgique au Théâtre Royal de la Monnaie, une nouvelle production de Sweeney Todd de Steven Sondheim. C'est à partir de mardi et jusqu'à la fin juin. Et puis, la semaine prochaine, prochain cabaret 42e rue, en direct et en public du studio 106 de Radio France, nous fêterons l'un des rares auteurs-compositeurs de comédie musicale en France, qui vient tout juste de recevoir le Molière du meilleur spectacle musical il y a quelques jours. Il s'appelle Hervé de Volder, il viendra avec 20 artistes et musiciens et ils proposeront de larges extraits des Fiancées de Loche, Molière 2016, de Chance et de toutes les comédies musicales écrites par Hervé de Volder. Pour assister à l'émission, il faut, vous le savez, obligatoirement s'inscrire sur internet sur maisondelaradio.fr. Et puis sinon, bien sûr, rendez-vous derrière votre poste dimanche prochain à 11h. 42e rue, en duplex de New York, avec Elisabeth Vincentelli au Radio Art, près de Central Park. Merci à Christelle Vineau, aux relations internationales de Radio France. Merci à Martine Moni, qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci à Pierre Mine et à Perrine Mingui pour la réalisation. À dimanche prochain, juste après le journal, vous retrouvez Renaud Machard. Rideau.